Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Quatrième épisode. Angelo le hussard erre à travers la Provence ravagée par le choléra. Refoulé à Sisteron, où on brûle les morts, il prend sous sa protection une jeune femme et des deux enfants dont elle est la préceptrice. Mais à Perruy, les gendarmes les mettent en quarantaine avec d'autres voyageurs. Avant le soir, un homme mourut dans la grange, très vite. Il échappa tout de suite aux doigts et ne laissa pas une seconde d'espoir. Puis une femme. Puis un autre homme qui faisait sans arrêt les 100 pas. Il s'arrêta, se coucha dans la paille, se couvrit lentement le visage de ses mains. Faites taire ces enfants et écoutez-moi. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Vous voyez bien que moi qui soigne les malades et qui les touche, je ne suis pas malade. Moi qui mangeais un poulet entier. Et vous qui avez peur et vous méfiez de tout, vous mourrez. Approchez-vous. Ce que je veux vous dire, je ne peux pas le crier par-dessus les toits. Il n'y a qu'un paysan qui nous garde. Dès qu'il commencera à faire nuit, je le désarmerai. Et nous partirons. Il vaut mieux risquer sa vie sans passeport que rester ici à attendre une billette qui ne sert à rien si on est mort. Moi, je suis de votre côté. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. On ne peut pas abandonner les bagages. Ben, on ne peut pas non plus porter les malles sur les épaules à travers champs. Il s'agit de savoir si vous préférez rester ici jusqu'à ce que ces villageois et ces gendarmes vous donnent une chance de vivre, ou si vous préférez vous en occuper vous-même. Que fait une malle dans tout ça? Ah ben, vous en parlez à votre aise. Oui, les malles font beaucoup. Eh bien, restez. Tout le monde est libre. Et vous? Non, je reste. Je ne peux pas me permettre de courir de risques, surtout avec les enfants. Vous en courez un plus grand en restant ici. Il n'y a aucune raison pour que je me mette à courir les routes comme une bohémienne. Hier soir, vous ne faisiez pas la bohémienne sur la route? C'était différent. Vous nous avez rendu service. Je vous en remercie. Mais maintenant, c'est différent. J'ai leur promesse. Vous l'avez entendu comme moi. Ils ont même dit que s'il n'y avait pas de cabriolet pour mener à Avignon les enfants de Monsieur de Chambon, on n'en réquisitionnerait rien. Je n'ai pas osé vous dire qui est Monsieur de Chambon. Monsieur de Chambon est premier président de la cour. Alors vous comprenez. Eh bien moi, je vais vous montrer ce que c'est qu'un gendarme, vrai ou faux. Montre-moi ton fusil. Voilà. Merci. Maintenant, mets-toi de côté et laisse-nous passer. Nous sommes quelques-uns qui avons envie de jouer la fille de l'air. N'ai pas besoin de mon fusil pour ça. Vous pouvez me le rendre. Vous n'êtes pas les premiers qui ont foutu le camp et les autres n'ont pas fait tant d'histoires. Je peux même vous dire qu'à 100 pas, à gauche de ce cyprès, il y a un chemin qui, après une petite lieue de détour, vous mènera à la grande route. Allons-y. Allez. La nuit était tombée. Au bout d'une heure, ils arrivèrent sur la grande route où ils se séparèrent. Les paysans partant à travers les collines et les femmes s'étant tout simplement assises de nouveau sur le talus. Angelo s'en alla avec le vieux monsieur. Ils marchèrent plus de 2 heures avant de voir devant eux, au bord de la route, une maison longue et basse dont les portes cochères soufflaient une grande lumière et un certain tohu-bohu. Piège à mouche. Non, cette fois, c'est une auberge de roulage. Je la connais. Dis Dis donc, toi. Oui. Qui sont ces gens-là? Les gens? Comme vous et moi. Et à part ça, qu'est-ce que je vous sers pour passer le temps? Oh, pas la peine d'avoir l'air fâché, à quoi ça sert? Vous n'êtes pas le seul, comme vous voyez. Attendez un peu, demain matin, dès qu'il fera jour, on s'arrangera pour tourner les barrières de quarantaine. Mon fils et moi, nous connaissons les collines comme notre poche. Mais si vous voulez boire, dépêchez-vous. Le vin monte. Il se vend déjà 3 sous. Est-ce que le vin ne fait pas mal? En tout cas, le mien n'a jamais fait de mal à personne. Alors une bouteille. Bon. Et je ne veux pas boire avec ces gens-là. Je vous conseille pas de boire en Suisse. Le plus sûr actuellement, c'est d'être bon garçon. Est-ce qu'on sait ce qui vous pend au nez d'un moment à l'autre? Ils sont tous arrivés les uns après les autres. Ils se connaissaient pas ce matin. Regardez-les. Dans une heure, vous serez de la partie. Venez, mettons-nous à cette table. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire derrière vos binocles? Vous avez vu cette grande femme brune? Assez dépoitraillée, hein? Ça ne m'étonnerait pas qu'elle connaisse bientôt une défaite plus ou moins glorieuse. Je ne peux pas le supporter. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un petit Français. Un médecin. À côté d'ici, la vallée où il est mort était un paradis. Je crois qu'il n'y a aucun ridicule à être fait de cette façon. Voilà. À boire. Veux-tu gagner 3 louis? Les comptes se font par 5 désormais. Mon prince, faut pas essayer de rouler le père Guillaume. J'ai assez mangé de soupe dans ma vie pour savoir que tu vas pas me donner 5 louis et peut-être même 6 pour un travail de premier communiant. Si je te dis mon prix, c'est que tu peux y aller. Vas-y, et parle comme tout le monde. J'ai une femme et 2 enfants retenus dans une grange, qui sert de quarantaine. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas emprunter le cheval et la voiture d'un de ces hommes ou celui d'une de ces femmes? C'est purement et simplement une affaire d'argent. Où allez-vous après? À Avignon. Ah, ben venez par ici. Viens avec moi. Ouais. Casquez 10 louis comptants et voilà votre affaire. Vous avez vu la blonde qui perd ses bas? Je vous vends le boguet de la dame en toute propriété. C'est celui-là, tenez. Vous voyez, là? Et le beau petit cheval roux. De quoi aller à Avignon si c'est votre fantaisie? Je peux pas mieux vous parler. Hein? 10 louis et en toute propriété. Voilà. Je m'arrangerai avec les parents de la fille, comme on dit. 7 louis. Ah! En marchant de pas la vie de sa femme et de ses enfants. Attelé. Tant pis pour la blonde, mais cette petite demoiselle si fière et qui a tant de confiance dans les gendarmes apprendra une fois pour toutes que l'habit ne fait pas le moine. Vous me plaisez, vous êtes trop beau. Vous allez sûrement vous perdre dans les chemins de traverse. Je vais vous donner mon fils, il vous conduira. Après, vous aurez qu'à le laisser sur la route. Allez, viens ici, gamin. Vous restez? Le spectacle est intéressant. Mais... Vous êtes fou. Oh, j'ai pas envie de retourner là-bas. Et sois poli avec le monsieur. Après plus d'une heure de vadrouille dans des chemins de terre à travers des arbres pelucheux, qui devaient être des saules, et frottaient contre la capote de cuir, ils arrivèrent à la fameuse grange qui servait de quarantaine. Angelo arrêta la voiture dans un bosquet et donna les rênes au garçon. Attends-moi ici. Arrange-toi pour que cette bête reste tranquille. Il faut que je fasse très attention de ne réveiller que la petite institutrice et les deux enfants, pour qu'il n'y ait pas de tapage. La sentinelle pourrait être moins commode que celle de cet après-midi. Bon. La sentinelle doit dormir, elle aussi. Quel silence. Est-ce que nous nous serions trompés ? La paysanne qui n'a pas voulu partir pour garder sa malle. Un cadavre d'homme. C'est le bagage abandonné. La petite fille. Elle a dû mourir très vite. Attendez ! Attendez ! Attendez ! Parfait. On a soigneusement chapitré ce garçon. Ils m'ont roulé. Et ça, c'est plus inquiétant que la mort. On dirait qu'il y a quelque part mêlé à l'univers une énorme plaisanterie. Je vais attendre le jour. Puis j'irai au village me proposer pour aider à enterrer les morts. Non. Ce n'est pas une bonne idée. Ces paysans me détestent parce que j'ai mon idée sur le courage. Ou simplement parce que j'en sais plus qu'eux. Surtout si je leur parle de chaux-vives, ils auraient vite fait de me flanquer dans la fosse, avec un coup de bêche sur la tête. Ce serait bête de mourir ainsi. En tout cas, je vais aller dire deux mots à mon aubergiste. Ce sera une bonne partie des poustages. Et ils se souviendront de moi. Je déteste être dupe. Il arriva à l'auberge comme le jour allait se lever. On voyait encore la lueur des lampes dans la nuit élimée, mais là aussi les choses avaient marché rondement. La grande salle était froide et vide. Un homme était étendu à plat ventre au milieu. Une femme affalée sur la table paraissait dormir. Madame. Madame. Lui, là non plus. Il n'y a rien à espérer. C'est en sortant qu'il se rendit compte que la femme morte était brune. Ce devait être celle qui riait quelques heures avant. Il prit la route du côté du sud, le jour se levait. Le soleil était encore très bas sous les collines. Angelo marcha plus d'une heure avant de se rendre compte que le silence était très extraordinaire. La route dominait le lit de la Durance qui, à cet endroit-là, avait presque une demi-lieue de large. Il n'y avait pas d'eau. Le jour montait sans couleur. Elle a bien fait. Il revoyait la femme brune en train de rire, le pied posé sur un barreau de chaise, découvrant ses jambes dans des flots de jupons très blancs. Peu à peu, le soleil s'éleva au-dessus de l'est. Il n'avait ni forme ni couleur. C'était de la craie éblouissante. Halte ! Descends ! Comme vous voulez. Descends ! Je vous en prie, je vous en supplie ! Le cheval seulement. Mettez-vous à l'ombre ! Le cheval, qui apprécia tout de suite les nouvelles jambes, joua le jeu d'une façon parfaite. Malgré la chaleur sans éclat qui brûlait la peau et embrasait l'air, Angelo se sentit envahi par une sorte de plaisir. Il s'aperçut qu'il n'avait pas fumé depuis longtemps. Il alluma un de ses petits cigares. De chaque côté de la route, les champs et les vergers étaient déserts. Quelques champs de blé non moissonnés s'étaient écrasés sous le poids des épis. Les oliveraies immobiles avaient des reflets de fer blanc. Il n'y avait de lointain nulle part. Les collines étaient noyées dans un sirop d'orgeat. Enfin, Angelo vit devant lui l'entrée d'une allée de platanes qui annonçait un village. Il n'y avait pas de barrage. Et malgré l'heure déjà avancée, le village, porte et volets fermés, paraissait entièrement désert. Il s'engagea au pas sous les arbres. Au carrefour d'une placette sur laquelle se trouvait l'église, il vit une petite forme noire et blanche couchée dans un triangle d'ombre au coin d'une maison. C'était un enfant de cœur en soutane et surplis. À côté de lui, il y avait cette longue croix qu'on porte aux enterrements et le seau d'eau bénite avec le goupillon. Oh, oh. Il dort comme dans son lit. Hé, hey, petit. Petit. Où sont les autres? Attends, attends! Tu as perdu un sou! Angelo sortit du village sans rencontrer autre âme qui vive. La route suivait d'assez près le lys sec de la Durance en serpentant le long d'une rangée de collines. Le trot du cheval faisait tourner très lentement de chaque côté de la route, comme les rayons rigides d'une roue, des rangées d'arbres raides aux feuillages de carton. Et là, doucement, doucement. Toi, tu viens de dîner. Quelle odeur de charogne. J'aurais pu lui tirer un coup de pistolet. Je ne suis pas digne du petit français. Il se mit à dormir. Il fut réveillé par un écart de cheval. Celui-ci, après avoir sans doute marché un certain temps, s'était endormi, lui aussi, à l'ombre d'un bouleau. Il avait été réveillé par un éclat de soleil qui, traversant les feuilles, s'était posé sur son museau. Il devait être près de midi. Angelo avait faim et surtout soif. Sa bouche était maçonnée d'une épaisse salive âcre. Il s'adossa au bouleau après avoir attaché le cheval à l'ombre d'un épais buisson de ronces et il alluma un nouveau cigare. La chaleur venait par averses terriblement lourdes, longues, étouffantes. En repoussant ses cheveux en arrière, Angelo s'aperçut qu'il suait froid. Son oreille était saisie d'un crépitement imperceptible, mais si continu qu'il saoulait et donnait le vertige. Il regarda très attentivement ce qu'il venait de vomir. C'était une gorgée de glaire. Il continua à fumer. En route. Aidez-moi. Joseph, Joseph, je t'en prie, calme-toi. Retirez les draps, je vais le frictionner. Le frictionner? Faites ce que je vous dis. C'est fini. Mon Dieu! La chambre donnait de plein pied sur les champs. Dans le coin sur lequel la porte s'était rabattue, Angelo vit un vieillard tout rasé de frais, semblable à un vieil acteur. Il souriait. Son regard allait d'Angelo à 4 ou 5 pipes posées devant lui sur la table, près d'une vessie de porc pleine de tabac. Depuis que Joseph est malade, il lui a pris sa pipe. Et il est très content. C'est celle-là. Vous ne voulez pas un petit cigare? Ah non, je fume celle-là. Il est toujours là. Je croyais que tu aurais pris la poudre d'escampette. Vers le soir, il passa près d'un village. Les maisons étaient groupées à 400 ou 500 mètres de la route, un peu en contrebas. Du haut de son cheval, Angelo les voyait semblables à un renard pelotonné contre les graviers de la Durance. Il en montait un gémissement, une plainte qui devait être faite de beaucoup de voix pour être de si longue haleine et monter finalement si haut dans l'aigu. Angelo arriva à Manosque à la tombée de la nuit. Le hussard sur le toit de Jean Giono. C'était le quatrième épisode avec Bruno de Volder, Angelo, Catherine Hubeau, la jeune femme, Jacques Galland, le vieux monsieur, Pierre Garin, le patron de l'auberge, ainsi que Jacques Guezy, André Daman, Bruno Balpe et Ardisson, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusfort, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.